s'embaille quand tu changes de tempo. Quand tes accords font des frissons dans le dos, quand tes percussions me traversent la peau. Semble, baille, promène-toi dans mon corps. Fais-moi l'amour jusqu'à la nuit de ma mort. Caresse-moi du parfum de tes accords. Je suis brésilien, chaque fois qu'au plus profond de mes rêves, une bossa nova vient se poser sur mes lèvres. Je suis brésilien, chaque fois qu'au plus profond de mes rêves, une bossa nova vient se poser sur mes lèvres. Semble bailler quand tu tapes dans mon cœur. Mes pulsations sont à 230 à l'heure. J'attends le jour où je serai ton chanteur. Semble bailler si je pouvais t'aimer, ou te coucher sur les touches d'un clavier. Parler de toi, journaliste à temps complet. Je serais brésilien, j'en parlerai tous les jours de toi et de la bossa nova qui fait l'amour avec moi. Et je serai brésilien, j'en parlerai tous les jours de toi et de la bossa nova qui fait l'amour avec moi. Semble bailler quand je danse dans tes pieds. Tempo d'acier, métronome organisé. Tu voudrais dire assez funky ce côté. Semble bailler, ça ne se joue jamais comme ça. Mais tu sais, nous on n'est pas vraiment comme toi. Pas eu le bol de voir le jour à Bahia. Toi tu es brésilienne, et jusqu'au plus profond de tes rêves, t'auras la bossa nova collée au bout de tes lèvres. Toi tu es brésilienne, et jusqu'au plus profond de tes rêves, t'auras la bossa nova collée au bout de tes lèvres. Je serai brésilien, j'en parlerai tous les jours de toi. La bossa nova qui fait l'amour avec moi. Je serai brésilien, je reparlerai tous les jours de toi et de la bossa nova qui fait l'amour avec moi. Je serai brésilien, je reparlerai tous les jours de toi et de la bossa nova qui fait l'amour avec moi. Je serai brésilien, j'en parlerai tous les jours de toi et de la bossa nova qui fait l'amour avec moi. Je serai brésilien, j'en parlerai tous les jours de toi.